Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd. On continue inshallah ta'ala la lecture de cette épître du très célèbre Ibn Ubayd rahimahullah ta'ala concernant les invocations et les azkar. L'auteur qui nous dit rahimahullah wa an Anasin radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala من قال حين يصبح أو يمسي اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك أعتق الله ربعه من النار ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار فإن قالها أربعا أعتقه الله من النار رواه أبو داود بإسناد حسن. Et donc l'auteur qui nous dit d'après Anas radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui que lorsqu'il se trouve à l'aube ou en soirée dit: ô Allah, je me trouve à l'aube, je te prends pour témoin, et je prends les anges qui portent ton trône pour témoin, je prends donc tes anges et toutes tes créatures à témoin que tu es Allah, nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors de toi seul et sans associé, et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est ton serviteur et ton messager. Celui qui dit cela, alors Allah tabaraka wa ta'ala libérera donc le quart de cette personne du feu. Celui qui dit cela deux fois, alors Allah libérera la moitié de cette personne du feu. Et celui qui dit cela trois fois, alors Allah libérera trois quarts de cette personne du feu. Et celui qui dit cela quatre fois, alors Allah le libérera du feu, rapporté par Abu Daoud avec une bonne chaîne de transmission. Et donc avec une bonne chaîne de transmission, donc ça c'est l'argumentation, ou du moins c'est ce que dit l'imam Ibn Ubayd rahimahullah ta'ala, mais en réalité le hadith est faible. Cette invocation n'est pas authentique. Cheikh Al-Albani rahimahullah, dans un de ses écrits, il montre justement le caractère faible de cette invocation, et parmi les causes de cela, il y a le fait qu'il y a un des narrateurs qui est inconnu. Un des narrateurs du hadith qui est inconnu. Et on a déjà vu que dans la science du hadith, lorsque un des narrateurs est inconnu, la chaîne de transmission est considérée comme étant faible. Pourquoi ? Parce qu'on ne prend pas de celui qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est dans la religion. La base, c'est comme ça dans la religion. C'est pas dans la science du hadith. C'est dans la religion. C'est en islam. Ensuite, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, wa an Abdillah ibn Ghanam, radiyallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, qala man qala hina yuzbihu, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin, aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdak, la sharika lak, falaka alhamdu wa laka ash-shukru, faqad adda shukra yawmihi. ومن قال ذلك حين يمسيه فقد أدى شكر ليلته رواه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة بإسناد حسن وهذا لفظه لكنه لم يذكر حين يمسي وأخرجه ابن حبان بلفظ النسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. Et donc ici l'auteur qui nous cite un autre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit: celui qui, lorsqu'il se trouve à l'aube, dit: ô Seigneur, les bienfaits que j'ai en cette matinée, ou que quiconque parmi tes créatures ont en cette matinée, tout cela vient de toi seul, sans associé. À toi reviennent toutes les louanges et les remerciements. Celui qui dit cela au matin, à l'aube, aura certes donc accompli le remerciement de sa journée. Et celui qui dit cela le soir aura accompli le remerciement de sa nuit, rapporté par Abu Daoud al-Nasa'i dans son livre Amalul Yawmi wal Layla, avec une chaîne de transmission qui est correcte. Le cheikh nous dit, Et ces termes-là, ce sont les termes, justement, de An-Nasa'i. Tayyib, ce hadith aussi, barakallahu fikoum, il est faible. Ce deuxième hadith que l'auteur cite, lui aussi, il est faible. Il y a dans la chaîne de transmission un narrateur, Abdullah ibn Anbasa. C'est une personne donc qui n'a pas c'est une personne dont le seul à lui avoir fait des éloges, c'est Ibn Hibban. Qu'est-ce qui est voulu ici? Quand je vous dis le seul à lui avoir fait des éloges, on a dit précédemment que lorsqu'on ne connaît pas le narrateur, on ne prend pas. Et donc, lorsqu'on connaît le narrateur, est-ce qu'on prend? Mais ça dépend. Est-ce qu'on le connaît en bien ou en mal? Et donc, il faut connaître, il faut regarder qu'est-ce que les gens du hadith, qu'est-ce que les savants disent de lui. Bonne mémorisation, etc., bonne croyance, etc., etc. Est-ce que c'est quelqu'un qui a un imam, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est faible, etc., etc., etc. Et ici, cette personne, le seul à justement avoir dit qu'il est fiable, c'est Ibn Hibban. Et certes, Ibn Hibban, rahimahullah, il est connu dans la science du hadith, dans la science de la critique et de l'éloge. La critique et de l'éloge, c'est une science, justement, durant laquelle, donc c'est une science dont les savants, dans cette science, ils vont émettre des critiques ou des éloges sur des narrateurs. Pour nous dire, tel narrateur, il est fiable. Son hadith est accepté. Pourquoi? Ça, etc., etc., etc. Tel narrateur, ses hadiths sont faibles. Il ramène des narrations qui contredisent les narrations authentiques, etc., etc. Et or, Ibn Hibban, rahimahullah, il est connu dans ce domaine comme étant négligent. Négligent, c'est-à-dire qu'il va faire des éloges de certaines personnes qui ne méritent pas des éloges. Et donc, les savants, lorsqu'ils voient qu'un narrateur, le seul à lui avoir fait des éloges, c'est Ibn Hibban, les savants disent non, stop. Pourquoi? Parce que Ibn Hibban, rahimahullah, malgré le fait que c'est un savant du hadith, Ibn Hibban, dans ce domaine, la critique et l'éloge, il va être négligent. Dans cette science, il y a des savants qui sont négligents, des savants qui vont être exagérateurs, donc ça veut dire qu'ils vont critiquer rapidement, donc sans que il y ait sans qu'il y ait de preuves concrètes, hein. Ils vont parfois exagérer dans la critique, et il y a des savants qui vont être mutawassitoun, c'est-à-dire dans le juste milieu. Ils vont être dans le juste milieu. Et donc, on regarde quel savant a émis une critique, quel savant a émis une éloge, avant justement d'arriver au jugement final. Cependant, l'être humain, barakallahu fikoum, il doit remercier Allah tabaraka wa ta'ala, bien entendu, quant à tous les bienfaits qu'il a. Il est cité d'ailleurs dans les recueils d'Al-Bukhari et de Muslim d'après Abu Huraira, radiallahu an, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Kullu sulama minan nasi alayhi sadaqa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: chaque membre de l'être humain est concerné par une aumône. Il est imposé. Donc, alayhi sadaqa, donc l'être humain doit donner une aumône pour chacun de ses membres. Et donc ici, il continue le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kulla yawmin tatlu'u fihi shams. Et donc l'être humain doit donner une aumône pour chacun de ses membres, chaque jour sur lequel, donc chaque jour, kulla yawmin tatlu'u alayhi shams, c'est-à-dire chaque jour. À chaque fois que tu te lèves, à chaque fois que tu te trouves à l'aube, à chaque fois, tous les jours, il faut que tu remercies ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Alors il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit: ta'dilu bayna al-ithnayn sadaqa. Le fait que tu vas donc juger et réconcilier entre deux personnes, ceci est une aumône. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fa tahmiluhu 'alayha. Le fait que tu aides une personne donc concernant sa monture, tu vas l'aider à monter sur cette monture. Ceci est une aumône. Ou tu vas lui donner sa monture, sadaqa. ou alors le fait que tu portes ses affaires et que tu mettes ses affaires sur sa monture, ceci est une aumône. Wa qala qala wal kalimatu tayyibatu sadaqa. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la bonne parole est une aumône. Wa kullu khutwatin tamshiha ila salati sadaqa. Chaque pas que tu fais pour aller à la mosquée est une aumône. Wa tumitu al-adha an at-tariqi sadaqa. Et le fait que tu enlèves ce qui gêne du passage, ceci est une aumône. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre que dans la journée, il y a énormément de bonnes actions qu'on peut faire, et que toutes ces bonnes actions nous permettent de remercier Allah tabaraka wa ta'ala. Tout ce que tu peux faire comme bonne action te permet de remercier Allah tabaraka wa ta'ala quant au bienfait qu'il t'a donné. Allah t'a donné cette santé que tu as. Il t'a donné ce corps que tu as. Utilise-le pour faire du khair, pour faire du bien. Remercie Allah. Utilise ce qu'il t'a donné pour faire du bien. T'as compris? Ensuite, l'auteur qui continue, rahimahullah, il nous dit, wa qala Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, lam yakun an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yad'u ha'ula'i ad-da'awat hina yumsi wa hina yusbihu. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أخرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الحاكم. Et donc ici, barakallahu fikum, ici, Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma, qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne délaissait pas ses quelques invocations lorsqu'il se trouvait à l'aube et au soir. Ô Allah, je te demande de me préserver ici-bas et dans l'au-delà. Ô Allah, je te demande la clémence et la préservation dans ma religion, dans mes affaires mondaines, dans ma famille, dans mes biens. Ô Allah, cache mes défauts et préserve-moi, ô Allah. Ô Allah, préserve-moi de devant moi. Ô Allah, préserve-moi devant moi et derrière moi, à ma droite, à ma gauche, au-dessus de moi. Ô Allah, j'implore ta protection contre le fait d'être englouti dans dessous de moi, ô Seigneur. Hadith rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad, Abu Daoud, An-Nasa'i et d'autres. Et donc, parmi les éléments importants dans cette invocation, barakallahu fikoum, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas délaissé cette invocation le matin et à l'aube. Donc déjà, ça nous montre l'importance de cette invocation. Et dans cette invocation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par invoquer en demandant la clémence et la préservation ici-bas et dans l'au-delà. La clémence, ce qui est voulu ici, barakallahu fikoum, c'est le fait d'effacer les péchés et de les cacher. Hein? On veut tous que Allah tabaraka wa ta'ala nous pardonne et cache nos péchés. La préservation, le fait que le serviteur demande à Allah tabaraka wa ta'ala de le préserver contre tout ce qui peut lui faire du mal ici-bas et dans l'au-delà. Et lorsque le serviteur il dit dans cette invocation, Allahumma stur awrati, ô Allah, préserve mes fautes, ici j'ai traduit mes fautes ou mes manquements, mes défauts. Al-awra, ça nous rappelle quoi l'awra? Al-awra, ce qu'on doit cacher. L'awra qu'on doit cacher. Tayyib. Et donc ici, ce qui est voulu, barakallahu fikoum, c'est tout ce qui va faire du mal, tout ce que, lorsqu'il est dévoilé, il fait du mal au serviteur. Ça englobe tout. Ça englobe tes défauts que tu veux cacher, ça englobe tes péchés que tu veux cacher, ça englobe ta nudité que tu veux cacher, et donc ça englobe tout ce que, lorsqu'il est dévoilé, cela te fait du mal, cela te fait du tort. Et donc le conseil que je donne à mes frères et mes sœurs, barakallahu fikoum, c'est de ne pas délaisser cette invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas délaissée. Tout en nous rappelant, attention, lorsqu'on invoque, on doit se rappeler des sens de cette invocation, car il n'est pas convenable que l'individu ici, il fasse cette invocation après la prière, ou il fasse cette invocation le matin et le soir, et ensuite, lorsqu'il finit cette invocation, il va sortir avec un vêtement qui n'est pas convenable. Tu viens d'invoquer Allah pour demander à Allah tabaraka wa ta'ala de cacher ta aura et de cacher tout ce qui te fait du mal lorsqu'il est dévoilé. Et donc pourquoi est-ce que toi-même dans ta pratique, tu ne respectes pas cette demande, cette invocation que tu viens de faire? Pourquoi est-ce que toi-même tu vas dévoiler ce dont le fait de le dévoiler te fait du mal? Sauf que tu ne ressens pas, peut-être le problème c'est que tu ne ressens pas le mal. Le problème il est là, c'est que tu ne sens pas le mal. Tu ne sens pas le mal qui touche ton cœur. Et donc il est important, barakallahu fikoum, qu'on invoque Allah tabaraka wa ta'ala, notamment ceux qui ont du mal sur ce sujet. Et certes, on a besoin d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala pour réussir. Certains vont avoir du mal dans leur tenue vestimentaire par rapport au regard des gens. Hein? Ils vont avoir du mal, il ou elle. Et donc, c'est important d'invoquer Allah, car en réalité, tu ne peux rien faire si Allah tabaraka wa ta'ala ne t'accorde pas la réussite. Que ce soit le fait de faire, d'accomplir tes obligations, ou le fait de délaisser les interdits, si ce n'est pas Allah qui te facilite à le faire, tu ne vas pas réussir à le faire. Tu ne vas pas réussir à le faire. Tu ne peux rien faire sans l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour cela que j'insiste dans Sourate al-Fatiha, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous implorons de l'aide. Le fait d'implorer de l'aide à Allah, c'est de l'adoration. Et donc, est-ce qu'il y a une répétition ici? C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous adorons? Non, il n'y a pas de répétition. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous montre qu'on ne peut pas l'adorer sans son aide. Et donc, tu veux implorer Allah tabaraka wa ta'ala, tu veux obéir, tu veux donc qu'Allah t'accorde la réussite? Demande à Allah qu'il t'accorde la réussite. Demande à Allah qu'il te permette de cacher ta aura, de cacher ce qui doit être caché. Et lorsqu'il dit donc wa amin rawati, c'est-à-dire préserve ce dont je crains, préserve ce qui m'attriste, préserve-moi de tout ce qui peut m'attrister et de tout ce qui peut me faire peur. Comme on a vu précédemment. Et ensuite lorsqu'il dit ô Seigneur, préserve-moi en dessous de moi et au-dessus de moi, à ma droite, à ma gauche. Et donc, barakallahu fikoum, le mal peut venir à l'être humain de toutes parts. Le mal peut atteindre l'être humain de toutes parts. Le shaitan, le diable, il a promis qu'il allait venir et atteindre le serviteur de toutes parts. Il a promis ça, Iblis. قال بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Il dit, par le fait que tu m'as trompé, donc Iblis qui dit ça à Allah, par le fait que tu m'as trompé, je vais leur barrer ta voie de rectitude. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Puis, je viendrai à eux, de par devant eux, derrière eux, à leur droite, à leur gauche, et tu ne trouveras pas la plupart d'entre eux étant donc remerciant, étant donc reconnaissant. Et donc, il n'y a nul doute, barakallahu fikoum, que Shaitan, il s'efforce à nous égarer. Et donc, nous devons nous protéger de cela. Invoquer Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous protège de toutes parts. Car sinon nous sommes cernés. Nous devons comprendre cela, barakallahu fikoum. L'auteur qui nous dit, donc le dernier hadith qu'on voit ce soir, il nous dit, rahimahullah, wa an abi hurayrata radiyallahu anhu qal, qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, man qalaha 10 marrat hina yusbihu, كتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة وكانت له عدل رقبة وحفظ بها يومئذ حتى يمسي ومن قالها مثل ذلك حين يمسي كان له مثل ذلك رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن. Et donc d'après Abu Huraira radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit la ilaha illallah seul et sans associé, à lui appartient la royauté et les louanges lui reviennent et il est capable de toutes choses. Celui qui dit cela 10 fois lorsqu'il se trouve à l'aube, alors Allah tabaraka wa ta'ala lui inscrit 100 hasana, bonnes actions. Et Allah tabaraka wa ta'ala lui efface 100 mauvaises actions. Et cela sera pour lui donc comme le fait d'avoir libéré un esclave. Et durant ce jour, il sera préservé par cela jusqu'à ce qu'il se trouve en soirée. Et celui qui dit cela, la même chose en soirée, alors il aura la même récompense rapportée par l'imam Ahmed avec une chaîne de transmission correcte. Et donc il y a dans cette invocation Barakallahu Fikum, donc les larges grâces d'Allah Tabaraka wa Ta'ala sur son serviteur, car le serviteur il va prononcer cela 10 fois. 10 fois. Et pourtant, la récompense qui est liée à cela est grandiose. 100 bonnes actions et aussi le fait que 100 mauvaises actions soient effacées. Donc la libération d'un esclave et le fait qu'il soit préservé durant toute sa journée jusqu'à ce qu'il se trouve en soirée. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala, il multiplie les bonnes actions des serviteurs. Il nous facilite pour qu'on ait de bonnes actions. Et c'est pour cela que celui qui au jour dernier se trouve dans une situation où il n'a pas de bonnes actions, c'est un perdant. C'est un perdant. Car Allah tabaraka wa ta'ala nous a facilité afin qu'on puisse avoir de bonnes actions. Mais est-ce que réellement nous voulons faire de bonnes actions? Celui qui se trouve au jour de la résurrection sans rien est un perdant. Sauf si Allah tabaraka wa ta'ala lui fait encore miséricorde. Et donc, ô chers frères et sœurs, il est important qu'on se réveille et qu'on s'efforce d'accomplir de bonnes actions. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans son livre, « Inna Allah lahu fadlin ala nas » ولكن اكثر الناس لا يشكرون. Certes, Allah tabaraka wa ta'ala comble les gens de sa grâce. Cependant, les gens ne sont pas reconnaissants. Beaucoup de gens ne sont pas reconnaissants. Les gens ne sont pas reconnaissants. Ils ne se rendent pas compte des bienfaits qu'Allah leur a donnés et des bonnes actions qu'Allah leur a permis de faire. Mais on est là, on laisse le temps passer. On laisse les journées passer et les nuits qui passent. Wallahu al-musta'an wa ila Allahi al-mushtaka. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.